Tu ne trouveras pas de boulot sans passer par la NPE. Tu ne trouveras pas de boulot sans passer par la NPE. Même par la NPE, t'en trouveras peut-être pas non plus. Même par la NPE, t'en trouveras peut-être pas non plus. Mais t'en trouveras sûrement pas restant assis sur ton cul. Non, t'en trouveras sûrement pas restant assis sur ton cul. Tu n'auras pas ton fric sans passer par les acédiques. Tu n'auras pas ton fric sans passer par les acédiques. Même par les acédiques, tu ne l'auras peut-être pas non plus. Même par les acédiques, tu ne l'auras peut-être pas non plus. Mais tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. Non, tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. T'auras pas ton RMI sans demander à la mairie. T'auras pas ton RMI sans demander à la mairie. Et même à la mairie, tu l'auras peut-être pas non plus. Et même à la mairie, tu l'auras peut-être pas non plus. Mais tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. Non, tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. T'auras pas ta livre de beurre sans aller au resto du cœur. T'auras pas ta livre de beurre sans aller au resto du cœur. Même au resto du cœur, tu l'auras peut-être pas non plus. Même au resto du cœur, tu l'auras peut-être pas non plus. Mais tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. Non, tu l'auras sûrement pas restant assis sur ton cul. Merci. Merci. Thank you.